Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 3. De l'union quant à la personne divine. Convenait-il à une personne divine de prendre une autre nature? Peut-on concevoir que la nature divine prenne une autre nature? De quelle manière l'incarnation est commune aux trois personnes et propre à une seule? Ce qu'auraient pu faire les trois personnes? Pourquoi il convenait que le Fils s'incarnât plutôt que les deux autres personnes? 1. Convenait-il à une personne divine de prendre une nature créée? Le mot « prendre » implique deux idées qui conviennent évidemment à une personne, savoir, un principe d'action et un terme. Il signifie l'action d'attirer à soi quelque chose, action qui appartient en propre à une personne. Or, dans l'incarnation, la personne est tout à la fois le principe et le terme, le principe, parce qu'il convient proprement à la personne d'agir, et que la chair a été prise par l'action divine, le terme, parce que l'union s'est faite dans la personne et non dans la nature. Il convenait donc très bien à une personne divine de prendre une nature créée. Note. Une telle union n'ajoute pas plus à la personne du Verbe, qui est infini, que l'union de l'homme avec Dieu, par la grâce de l'adoption, n'ajoute à la nature divine. Ce qui est de Dieu s'applique à l'homme de telle façon que l'homme lui-même est perfectionné, et non pas Dieu. Fin de la note. 2. Convenait-il à la nature divine de prendre une nature créée? Il convenait à la nature divine d'être le principe de l'action qui consiste à prendre une nature créée, mais il ne lui appartenait d'en être le terme que par l'intermédiaire de la personne à laquelle elle unit cette nature. On dit très proprement, pour cette raison, qu'une personne divine a pris la nature humaine, et, secondairement, que la nature divine a pris la nature humaine pour l'unir à une personne divine qui subsiste en elle. On dit encore dans le même sens que la nature divine s'est incarnée. Note. Quoique le Père ait pris la nature humaine pour l'unir à la personne du Verbe, on ne saurait affirmer d'une manière absolue qu'il a pris la nature humaine, parce qu'il ne l'a pas tirée à lui pour l'unir à sa propre personne. Fin de la note. 3. Abstraction faite de la personnalité, concevons-nous que la nature divine puisse prendre une autre nature? Notre intelligence se met en rapport de deux manières avec le monde divin, la première consiste à connaître Dieu tel qu'il est en lui-même. Alors, si l'on fait abstraction des personnes, la nature divine ne peut pas prendre une autre nature, il est impossible d'enlever par la pensée quoi que ce soit à la divinité et de supposer en même temps que quelque chose subsiste encore en elle. Tout ce qui existe en Dieu est un, sauf la distinction des personnes, et supprimer l'une, c'est supprimer l'autre, puisqu'elles ne sont distinctes que par leurs relations nécessairement coexistantes. La seconde manière dont notre entendement connaît Dieu consiste à le percevoir selon notre mode d'existence, c'est-à-dire comme multiple et divisé, ainsi se perçoivent, par exemple, sa bonté, sa sagesse et ses autres attributs, sans la paternité et la filiation qui constituent des personnes. De cette sorte, nous concevons que, abstraction faite des personnes, la nature divine, qui se présente à notre esprit comme l'unique personnalité de Dieu, telle que les Juifs la concevaient, puisse prendre une autre nature. 4. Une seule personne divine peut-elle prendre une nature créée? Il est indubitable qu'une seule personne divine peut prendre une nature créée. L'action de prendre procède de la divine puissance, commune aux trois personnes, mais le terme de cette assomption, nous l'avons vu, est propre à une personne. C'est pourquoi les trois personnes ont contribué à unir la nature humaine à la seule personne du Fils. Note. Si l'on dit que la nature divine s'est incarnée, on ne la considère pas comme commune aux trois personnes, et quand on ajoute que la nature divine s'est incarnée tout entière, on veut faire entendre qu'elle n'est privée d'aucune de ses perfections dans la personne incarnée. Fin de la note. 5. Une personne divine autre que le Fils aurait-elle pu prendre la nature humaine? Les trois personnes divines ont la même puissance. Le Fils a pu s'incarner, le Père et le Saint-Esprit le pouvaient aussi. En effet, la puissance divine, qui a uni la nature humaine à la personne du Fils, aurait pu l'unir à la personne du Père ou à celle du Saint-Esprit. Note. Si le Père se fût incarné, nous aurions reçu du principe de la filiation naturelle une filiation adoptive, de même que nous tenons du Fils une filiation adoptive qui ressemble à sa filiation propre. Et si le Saint-Esprit se fût incarné, l'adoption nous serait venue du lien qui unit le Père et le Fils. Fin de la note. 6. Plusieurs personnes divines pourraient-elles prendre une seule et même nature humaine? Telle est la condition des personnes divines, que l'une exclut l'autre de sa propre personnalité, mais non de sa nature. Puisque, dans le mystère de l'incarnation, la raison du fait est dans la puissance qu'il exécute. Il n'est pas impossible que deux personnes divines ou les trois ensemble prennent la même nature humaine. Note. Les trois personnes seraient alors un seul homme, en raison de l'unité de la nature humaine. Le mot « seul » impliquerait uniquement l'unité de cette nature sans l'unité des personnes divines, il y aurait unité entre chaque personne et la nature humaine. Fin de la note. 7. Une seule personne divine pourrait-elle prendre deux natures humaines? La puissance infinie des personnes divines ne saurait être limitée à un être créé. Le créé n'est pas capable de circonscrire l'incréé. Évidemment, une seule personne divine pourrait prendre deux natures numériquement distinctes. Note. On dirait, dans ce cas, que la personne divine est un seul homme avec deux natures humaines, il y aurait toujours unité de personne. Quand un homme se couvre de deux vêtements, il y a une personne portant deux vêtements, et non deux personnes vêtues. Fin de la note. 8. Était-il convenable que la personne du Fils, plutôt qu'une autre personne divine, prît la nature humaine? Il y avait un rapport de convenance entre la personne du Fils et toutes les créatures en général. De même que le verbe ou la pensée d'un artisan est l'image typique des œuvres qu'il exécute, le Fils qui, comme verbe, est le concept éternel de Dieu, est aussi l'image de toutes les créatures. Or, quand un ouvrage d'art se détériore, l'auteur le restaure par le moyen de la première forme artificielle qu'il a conçue, et en vertu de laquelle il lui a donné l'existence. Il y avait un rapport spécial de convenance entre le Fils de Dieu et la nature humaine. Le Verbe est le concept de la sagesse éternelle, d'où dérive toute sagesse humaine. L'homme qui se met en communication avec lui trouve, en tant qu'il est un être raisonnable, sa perfection propre. La source de la sagesse, dit l'Esprit Saint, est le Verbe de Dieu, qui habite au plus haut des cieux. Ecclésiastique 1, 5. Il y avait, enfin, un rapport de convenance entre le Fils de Dieu et le but de l'incarnation. Ce but consistait dans l'accomplissement de la prédestination des hommes appelés à l'héritage céleste, auquel ont droit les enfants d'adoption, selon cette parole de l'apôtre, « Si nous sommes les enfants de Dieu, Nous sommes aussi ses héritiers. Romains 8, 17. Il convenait dès lors que la filiation par adoption, à laquelle nous étions prédestinés de toute éternité, nous fut apportée par celui-là même qui est le Fils naturel et unique de Dieu, comme le marque ce mot, ceux que Dieu a connus d'avance. Il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Romains 7, 29. On voit par ces analogies que la personne du Fils, plutôt que les deux autres personnes, devait s'incarner. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.